brûlant. Tu tends tes muscles et tu vises droit au but. Parce que toi, t'es tranquille. Tu planes sous le ciel du platane comme un aigle impérial. Tu dis du moment qu'on s'aime, ça lui paraît le même. Y'a pas de soupir dans ta mélodie. Moi, mon sourire n'est qu'un vieux clown qui ressemble plutôt à une grimace. Mais toi, tu suis ton petit bonhomme de chemin, confiante, tu la tiens tranquille, ta peur. Mais moi, j'ai ce petit doute derrière la tête qui me tête et m'entête et me prend la tête. Toi, tes larmes s'effacent dans les rigoles de tes lèvres. Moi, mon sourire se tord sous le poids de mes larmes. Mais toi,